connais ma tactique. En arithmétique, bien calé pour un pique-nique. Je roule pas des mécaniques, j'étale ma technique et mes boulettes magiques. Tac, tac, tac, tac, je t'attaque, je te mets des claques, je te traque, je te croque. Laisse tomber, je suis trop baraque. À la matraque, comme derrière un mic, c'est moi le mac. J'ai des tonnes de poison à la maison. Boum boum, viens que je te boum boum boum, que je t'efface comme gomme. Boum boum, allez viens fais ton bonhomme. Boum boum, je suis bouillant comme l'uranium. ATDLA de HOT, ATDLA de HOT, ATDLA de HOT, ATDLA de HOT. Objectif poussi, je bande comme un Yeti. J'ai fait des trous dans mon baggy avec un biggie, biggie, biggie, biggie, bang, bang. Bien plus gros que ton flingue qui se voit même pas sous tes fringues. Léger comme un famas, efficace comme un rapace. T'es à la masse, c'est moi le premier de la classe. Mon flow t'électrocute, hypercute et langue de pute. Sans aucun but, j'suis une brute gratuite. Je te trouve, t'as des fuites, boum boum. Viens que je te goum, boum boum. Que je t'efface comme une gomme, boum boum. Allez viens fais ton bonhomme, boum boum. Je suis bouillant comme l'uranium. ATDLA de HOT, ATDLA de HOT, ATDLA de HOT, ATDLA de HOT. Pas de chichi, chi, je te bouffe comme des chauchi. Si je te parle pas en ch'ti, si je t'ai mis laser mi, je te mitraille comme mon ennemi. Je te fais pas des mi-mi-mi pour que tu deviennes mon ami. Sodo, mi-verbal, des mandales de cannibale. J'ai la nœud et j'ai la dalle, tu détends comme une pédale. Vi, vi, vi, vi, vi, vi, mon visage pâle, barge, à l'anthropophage, un tueur à gage, je te dégage. Boum boum, viens que je te boum boum boum. Que je t'efface comme une gomme, boum boum. Allez viens fais ton bonhomme, boum boum. Je suis bouillant comme l'uranium. ATDLA de HOT, ATDLA de HOT, ATDLA de HOT, ATDLA de HOT. Boum boum, viens que je te boum boum boum. Que je t'efface comme une gomme, boum boum. Allez viens fais ton bonhomme, boum boum. Je suis bouillant comme l'uranium.